Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mon émission intitulée « À l'écoute des jeunes ». Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Madame Ferreira de la mission locale. Bonjour Madame. Bonjour. Merci d'être venue et d'être avec nous. Alors aujourd'hui, je vais vous poser quelques questions pour la jeunesse locale. Qu'ils sachent que vous êtes présents et qu'il y a énormément de choses que vous pouvez faire pour eux. Donc j'aimerais bien savoir quel est votre rôle principal et la mission aussi principale de la mission locale. Ouais. Donc la mission locale, déjà, ça s'appelle la mission locale du Pays de Remiremont et de ses vallées, parce qu'elle répond à des demandes et des besoins sur un territoire qui est composé de 38 communes. Donc déjà, la mission locale s'occupe des jeunes de 16 à 25 ans qui résident sur ces 38 communes. Donc ça va de la vallée de Bussan jusqu'à Remiremont, de la vallée de la Bresse jusqu'à Remiremont. Et ensuite, on s'étend également sur la plaine des Lois jusqu'à Pouxeux. Et il y a tout le côté Plombières, le Val d'Ajol et toutes les communes un peu environnantes. Donc voilà, ça c'est déjà le premier postulat. La mission locale, sa mission, c'est d'accompagner les jeunes vers une insertion sociale et ou professionnelle. D'accord ? Donc on va faire un accompagnement. L'idée, c'est que des jeunes de 16 à 25 ans, à un moment, peuvent avoir besoin d'être accompagnés dans leur démarche d'insertion aussi sociale, parce que un jeune de 16 à 25 ans, c'est le futur citoyen, c'est le futur habitant de notre secteur. Et effectivement, quelquefois, il a besoin d'être accompagné pour mieux s'insérer dans notre société, qui n'est pas toujours très simple. D'accord. Ce que vous mettez en place pour les jeunes, si j'ai compris, ce n'est pas que du professionnel. Vous les accompagnez aussi côté santé, côté logement. Toutes ces choses pour l'entrée active, quoi. C'est ce qu'on appelle les points périphériques des jeunes. Donc, effectivement, un jeune, quand il pousse la porte de la mission locale, la première demande qu'il va exprimer, c'est « je cherche un emploi » ou « je cherche une formation ». Ils ne viendront jamais qu'une demande. Ou quelquefois, maintenant, « je cherche un logement » aussi. On a ces questions-là aussi, puisqu'on est plateforme logement. Voilà, ça c'est la première demande. Les conseillers qui sont à la mission locale, ils sont au nombre de 12. Les conseillers vont déjà écouter la demande, mais vont aussi poser des questions sur tout ce qui est périphérique. T'as poussé la porte de la mission locale, tu vis où, dans quel logement, avec tes parents, tout seul, est-ce que t'as le permis, un moyen pour bouger, parce que ça c'est important aussi. Oui, si il y a des entretiens ou quoi. Voilà, et même pour venir simplement en entretien à la mission locale aussi, faire les démarches. Est-ce que la sécurité sociale, on est OK ? Est-ce que les papiers d'identité sont à jour ? Donc on va traiter tout ça, c'est important parce que c'est un peu la base de ce qui va se passer ensuite. On aborde effectivement toutes les questions, c'est ce qu'on appelle un accompagnement global renforcé parce qu'on va vraiment voir les jeunes très très régulièrement. Donc le suivi est personnalisé ? Il est personnalisé et individualisé, c'est vrai. Donc un jeune, il va être attribué à un conseiller selon son lieu de résidence. Un jeune de Bussan va rencontrer Madame Jossel, parce que c'est sa référente de secteur. Et ensuite, il sera toujours accompagné par cette personne. Ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que la mission locale, c'est un service public. Mais nous sommes sous statut associatif, donc on n'est pas des fonctionnaires. Donc on a toujours cette valeur associative et on s'engage à faire un accompagnement gratuit. Le jeune vient à la mission locale sans obligation, c'est de sa volonté propre. Il n'y a rien qui l'oblige et c'est gratuit surtout. Donc aussi longtemps qu'il aura besoin, c'est un accompagnement qui est proposé. Et je voulais demander, il y a des particularités pour s'inscrire. Je sais que moi, par exemple, je voulais m'inscrire et étant scolarisée, on m'a dit non, non, non. Voilà, on va pouvoir donner à des scolaires, donc il faut être ni en emploi, enfin, si on pourrait être en emploi, il ne faut pas être dans le système éducatif, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être scolarisé dans un établissement scolaire. En formation, c'est possible parce qu'on pourrait répondre à une autre demande, c'est-à-dire qu'un jeune en formation en emploi, sa demande, elle peut être autre, elle peut être... J'ai besoin, il faut que je passe mon permis, comment je pourrais être aidée, je voudrais prendre un logement, comment je peux faire, je rencontre une difficulté sur ma sécurité sociale, je ne comprends rien, ou il me faut une mutuelle, puisqu'on travaille avec une mutuelle partenaire. C'est ce que j'allais demander au niveau de la... Vous travaillez avec la CMU ? On travaille CMU, mais alors nous, au niveau régional, donc on a un réseau. Il y a 43 missions locales, on appartient à un réseau de 43 missions locales sur le Grand Est. Et nous avons un accord avec une mutuelle locale qui permet d'avoir des accès à des mutuelles avec un tarif préférentiel pour les jeunes suivant mission locale. D'accord. Bah oui, c'est vrai que je veux dire, quand on n'a pas de revenus et qu'on doit se payer une mutuelle seule... Tout ça, c'est vrai que c'est assez compliqué, oui. C'est compliqué, voilà. Et si à un moment, les parents n'ont pas trop bien expliqué, parce que c'est souvent quand on est avec ses parents, on ne se soucie absolument pas de ces questions-là, mais quand on arrive dans la vie active. Tout seul, voilà, vie active, on prend son premier appartement, mais mince, les papiers. L'assurance, les papiers, c'est extrêmement compliqué. Donc nous, on essaie d'accompagner dans tout ça, parce qu'une fois qu'on aura levé toutes ces questions, qui ne sont pas nécessairement des problèmes, mais c'est des questions... Eh bien, chaque jeune va pouvoir aller à l'essentiel, c'est-à-dire stabiliser son emploi, stabiliser sa formation. Donc, du coup, si j'ai bien compris, vous les aidez aussi, du coup, dans leur démarche administrative. Voilà, ça fait partie de nos missions également. D'accord. Et je voulais vous demander si vous travaillez avec Pôle emploi. Alors, on a un accord cadre, ça s'appelle. On a une convention de partenariat avec Pôle emploi. Et effectivement, on travaille à la fois autour des demandeurs d'emploi, des jeunes qui sont inscrits à Pôle emploi qu'on ne connaîtrait pas. Mais on travaille aussi sur toute la relation aux entreprises. On a une offre sur le territoire, une offre d'emploi. On ne se bat pas, on se met d'accord, on travaille ensemble. On propose des candidats, eux proposent des candidats. On travaille vraiment main dans la main. Oui, oui. On ne peut pas... On ne peut pas travailler contre, il faut qu'on travaille avec. Et ils ont une expertise sur certains domaines où on est peut-être moins bon. Et effectivement, Pôle emploi, les actions de Pôle emploi plus les nôtres, voilà, on a une réponse à donner au public que l'on accompagne. Donc oui, c'est un bon... C'est vraiment un partenaire. Oui, c'est un bon partenaire. Oui. Ouais, parce que du coup, je me demandais, parce que vous, c'est ce que vous faites, mais pour les 16 à 25 ans, voilà. Et Pôle emploi le font... Alors, ils ont aussi des jeunes de 16 à 25 ans. Après, l'accompagnement tel qu'on le propose, c'est vraiment propre aux missions locales, cet accompagnement global. Peut-être que des personnes qui sont accompagnées dans le cadre du RSA pourraient être concernées par un accompagnement comme le nôtre, mais vraiment, c'est une particularité du réseau des missions locales. Et par exemple, quand vous proposez à un jeune une offre d'emploi et qu'il faut se déplacer, et que par exemple, malheureusement, il n'a pas les moyens de prendre le train, ou il n'a personne pour l'emmener, ou il a une voiture mais il ne peut pas mettre d'essence, vous proposez des aides, vous les accompagnez. On va trouver des solutions, donc on va déjà utiliser ce qui est mis à notre disposition par les financeurs. Le conseil régional nous octroie une bourse à la mobilité que l'on peut délivrer à des jeunes, effectivement, où on ne pourrait pas avoir des moyens pour le déplacement. Il y a aussi des tickets emploi-formation, ce sont des bons qui permettent d'avoir une réduction, mais vraiment très très importante auprès de la SNCF. Donc c'est un accord qui a été passé entre le conseil régional du Grand Est et la SNCF. Et donc, on a des bons qu'on peut remettre aux jeunes, mais il faut être suivi à la mission locale ou inscrit à Pôle emploi parce qu'ils ont les mêmes bons. Et puis, il y a aussi des fonds d'aide aux jeunes que l'on peut monter, que l'on peut instruire. Et là, ce sont des aides du conseil départemental. Donc, nous, on va utiliser, on a un peu le fil rouge. Le conseil et mission locale, ça va être le fil rouge. C'est la personne qui va utiliser toutes les ressources du territoire pour aider un jeune dans une problématique précise. D'accord. Donc oui, il y a bien un âge limite, c'est jusqu'à 25 ans et pas plus. 26 ans moins un jour pour être exact. D'accord, voilà, ça s'arrête à la date anniversaire. c'est nos statuts, c'est la réglementation. Et par exemple, si vous avez suivi un jeune depuis le début de ses 16 ans jusqu'à cet âge limite, par exemple, demain, il vient dans vos locaux, j'ai besoin d'un petit coup de main pour des papiers, vous êtes en droit de l'aider quand même ? On va l'aider parce qu'on est service public. Et on se doit, on ne peut pas les abandonner comme ça. Souvent, il y a une phase de transition qui se fait. On a toujours des jeunes de plus de 26 ans qui viennent encore Peut-être chercher, qu'ils sont un peu perdus dans toutes les démarches administratives. Et je voulais demander aussi, j'ai vu que vous proposiez des formations aussi, de l'alternance. Donc, comment ça se passe ? Alors, l'équipe, elle est constituée avec des référents par domaine. Donc nous, effectivement, notre travail, c'est de parler d'orientation, c'est parler de formation et d'emploi. Et emploi sous toutes ses formes, en alternance, ça peut être les contrats aidés, ça peut être aussi du CDI, du CDD, l'intérim, notre travail, c'est ça. Pour ce qui est des formations, alors, comme je le disais tout à l'heure, le conseil régional est un de nos financeurs et il nous informe, on est informé du programme de formation qui va être mis en place, surtout le Grand Est, surtout sur notre zone, c'est important. Et par rapport à ça, on va être en capacité de proposer des actions de formation rémunérées qui sont mises en œuvre et par Pôle emploi aussi et par le conseil régional, par des organismes locaux. Et notre travail, c'est de positionner les jeunes sur les informations collectives de recrutement. On a un lien, on a l'information, on connaît le contenu de la formation, la durée, le degré de qualification qui est attendu. Voilà, donc ce qui est attendu, ce vers quoi on va aller. Et à nous de faire la promotion aussi de ces actions de formation parce que tout public méconnaît un petit peu tout ça. Donc nous, on est aussi là pour informer sur ce qui existe. Pour ce qui est de l'alternance et contrat d'apprentissage, j'ai une équipe entreprise, donc il y a 4 personnes qui s'occupent de toute la relation entreprise. Et le volet apprentissage fait partie, vu le public que l'on a, 16-25 ans, c'est vraiment un public cible sur les contrats de professionnalisation et d'apprentissage. On fait la promotion, on travaille avec tous les CFA du département et voire hors du département pour faire la promotion du dispositif, de la mesure. On est dépositaire aussi d'offres que des employeurs nous donnent pour trouver des apprentis. Donc à nous de faire le lien. De trouver la bonne personne, voire d'en essayer plusieurs. Donc ça permet, on a une offre, on va en parler à plusieurs jeunes, on va la présenter et ils vont avoir la possibilité de faire un stage d'immersion, ce qu'on appelle un stage d'immersion, c'est-à-dire un stage dans l'entreprise où ils vont pendant une semaine, voire peut-être 2 semaines, découvrir le métier et puis voir si ça colle avec l'employeur en fait. D'accord. Par exemple... Un exemple basique, un jeune qui quitte l'école après son bac, son BEP ou son CAP et qui se dit, qui vient faire un peu de travail en restauration, puis là il en ressort dégoûté, il vient chez vous. Est-ce que vous pouvez l'aider à reprendre son cursus scolaire ? Mais on travaille aussi avec l'éducation nationale, avec le CIO, qui n'est plus trop présent sur notre zone finalement. Mais on travaille beaucoup avec le CIO et on connaît tout le système aussi de ce qu'on appelle la récurrence scolaire. C'est peut-être pas le bon terme, ils vont peut-être me dire, mais voilà, c'est le principe de la récurrence scolaire, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on est sorti du système scolaire, il existe d'autres réponses, d'autres possibilités de réintégrer le cursus scolaire traditionnel. On connaît tous les ponts. Et puis, il y a quand même des actions de formation, des choses qui se déroulent où on peut retravailler le projet. Donc, nous, si on reprend l'exemple du jeune qui dit, moi, je ne veux pas aller... j'ai essayé l'hôtellerie-restauration, ça ne me plaît pas. On va regarder qu'est-ce qui ne plaît pas dans l'hôtellerie-restauration et puis voir quelles sont les compétences du jeune et puis l'aider à retravailler un projet et se réinvestir dans une autre direction professionnelle. Donc, on a des outils, on a un atelier d'orientation. On a des outils mis à notre disposition. On va pouvoir amener le jeune à travailler sur son propre projet, à redéfinir, à se rebooster, se diriger dans un autre domaine. Bah oui, parce que du coup, je pense que ça peut arriver qu'il y ait des jeunes qui arrivent très désespérés, très perdus. Et du coup, je pense que c'est vous qui reprenez les choses en main par derrière, quoi. On est à l'écoute. Donc ça, c'est important. On est dans une phase d'écoute. On écoute déjà ce que la personne a à nous dire, et puis on essaie de trouver, de le faire rebondir sur les choses positives et les expériences positives qu'il a pu avoir, et de l'accompagner. Je suis sensible au mot là, le mot accompagnement a un réel sens. C'est-à-dire que on n'est pas dans le suivi, on n'est pas dans le tiens. Tu fais telle activité, dans une semaine on en rediscute, je repointe et je te redonne autre chose à faire. On est vraiment dans l'accompagnement, dans l'écoute et dans le réajustement du parcours. Voilà. Quotidiennement, je ne sais pas, hein, parce que c'est quand même, on a quand même 1500 jeunes en suivi, donc c'est toujours un peu difficile. Mais le jeune sait qu'il va trouver quelqu'un qui va l'écouter, le comprendre et le conseiller et l'accompagner, lui donner, lui ouvrir certaines portes auxquelles il n'avait pas pensé du tout. Donc c'est vraiment le travail d'accompagnement renforcé qui est là. Et aussi, du coup, j'ai vu que vous faisiez souvent des forums, donc alternance, service civique, des job dating, avec des intérims aussi. Oui. Donc vous travaillez aussi avec les intérims du coin, je pense. On a un accord, on a décliné un accord national, parce que les missions locales, on est plus de 400 en France. Et au niveau national, il y a quelquefois des accords qui sont signés, qu'on peut redécliner au local. Donc là, il y a un accord qui s'appelle Prisme Emploi, qui permet aux missions locales, toutes les missions locales de France, de travailler avec les réseaux intérimaires, qui existent, des agences intérimaires qui existent sur le territoire. Et nous, on a souhaité le décliner. Jusqu'à maintenant, on avait de très très bonnes relations avec certaines agences intérimaires, mais on n'avait pas réussi à être bien connu et reconnu l'ensemble des agences intérimaires du territoire, de notre zone notamment. Et cet accord-là a permis effectivement d'écrire ce « nous » sur quoi on s'engage, travailler, accompagner des jeunes vers les agences, les préparer aussi à rencontrer les agences intérim. Et de l'autre côté, les agences intérimaires ont dit, nous, on a des outils à votre disposition, on a des possibilités de formation, on a des possibilités de financement de certaines, de la mobilité, déménagement. Enfin, il existe des choses au niveau des agences intérimaires. Et puis, on s'est dit aussi, on va travailler en toute intelligence. Un jeune dit, tiens, je vais aller travailler dans telle industrie, il n'a jamais travaillé en industrie. On se met d'accord avec l'agence intérimaire, peut-être une mission plus courte ou peut-être pas tout de suite dans cette entreprise-là pour mesurer l'employabilité, accompagner le jeune. Donc c'est vraiment un travail de partenariat pour que le jeune ne clash pas au bout d'une journée dans l'entreprise. Oui, donc c'est vraiment, vous prenez soin de, comment dire, des jeunes qui sont à la mission locale. Vous n'essayez pas de leur trouver du boulot et de les refourguer. Ah non, quoi. Non, jamais. Vraiment quelque chose qui leur plaît, quoi. Après, il y a ce qui plaît et puis il y a la réalité économique. Je veux dire, on a tous vécu dans nos parcours. Quelquefois, on a des étapes dans nos parcours professionnels où on a fait des choses qui ne nous plaisaient pas, mais il fallait quand même avoir un salaire. C'est ça. Quelquefois, il faut quand même un salaire. On a des charges à payer. Pour peu qu'on soit dans un logement, il faut quand même payer son loyer, ses charges. Donc à un moment, entre ce qui nous plaît et la réalité, mais on ne perd jamais de vue l'objectif du jeune. Des fois, il faut prendre, on ne va pas prendre la ligne droite, on va prendre quelques détours parce que, il va falloir faire une mission intérim d'un mois peut-être dans l'industrie où on n'a pas du tout envie d'aller parce que en attendant que le point qu'on s'est fixé soit disponible ou soit ouvert. Ça fait toujours un petit peu d'expérience. Toute façon, tout est bon à prendre. Et du coup, je voulais demander... Vous faites des forums aussi par rapport au CV et lettre de motivation ? Alors, on a des ateliers tous les mercredis matins, où on a des ateliers ouverts où on accompagne dans les démarches de recherche d'emploi. Alors, CV, lettre de motivation, candidater en ligne aussi, parce qu'il y a des possibilités de candidater en ligne. C'est pas du forum, c'est vraiment plutôt des petits ateliers à la carte ouverts à tous. Donc, ça, c'est accessible les mercredis matins. Et dans les forums, vous parliez des forums tout à l'heure, effectivement, on organise très régulièrement des forums sur des thématiques. Vous ne l'avez pas cité, mais on a aussi le forum de la mobilité internationale où on peut aider des jeunes à partir en Europe ou voire plus loin pour une expérience nouvelle dans un autre pays, une autre culture. Mais à chaque fois qu'on fait un forum, il y a toujours un petit atelier CV parce qu'on s'est rendu compte que des fois il y a des jeunes qui viennent à nos forums, ils n'ont pas d'outils, ils n'ont pas le CV, la lettre de motivation. Donc systématiquement, lors de nos forums, il y a ce service-là qui est rendu aussi, voilà, au cas où, parce qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, même si sur Internet on trouve tout, hein, les modèles de tout ce qu'on veut, en attendant, un CV reste un outil très personnel. Comme une lettre de motivation, voilà. C'est nos mots, notre... Ça mérite d'être travaillé en individuel, avec quelqu'un qui va accompagner, puis dire, ben oui, ça serait peut-être mieux de mettre ça en avant, ou ça... Ben voilà. Donc on a, tous les mercredis matin, il y a quand même cette possibilité de le faire. Mais on est d'accord que, par exemple, un jeune de 16 ans qui a quitté l'école parce qu'il en avait marre ou que ça ne se passait pas bien ou autre, donc il n'y a pas de minimum de diplôme à avoir. Ah non, quoi. Non, on accueille tous les jeunes qui se présentent. Il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas de... il n'est pas question. Le diplôme reste, c'est une norme, voilà, ça donne... Ça classe les personnes dans une catégorie sociale. Oui. Mais au-delà de ça, c'est pas parce qu'on a bac plus 5 qu'on va être plus employable. Après, il faut voir tous les savoir-être. Est-ce que la personne est ponctuelle? Est-ce qu'elle elle connaît les codes de l'entreprise? Voilà. Les diplômes, en fait, c'est une mesure. C'est des bagages. Voilà, c'est des bagages, ça peut aider quand même, hein. je dis pas, au contraire, ça va aider pour aller sur certains diplômes, ça va aider pour aller sur certains métiers, mais pour nous, c'est pas une clé d'entrée à la mission locale. D'accord. Et aussi, je pense que parfois, vous devez avoir des jeunes dans de situations assez compliquées, que ce soit familiales, l'entourage, tout ça. Est-ce que vous... pardon. Vous les accompagnez dans leurs problèmes personnels, en fait. Alors, étonnamment, les jeunes ont tellement confiance en leurs conseillers, puisque les entretiens se passent de manière individuelle, on l'a dit tout à l'heure. Ce sont des entretiens qui se déroulent à peu près trois quarts d'heure, une heure. Donc les jeunes, une fois qu'ils connaissent bien leurs conseillers, vont... Le conseiller ne cherche pas à savoir. Hein. Il va poser des questions. Voilà, le jeune ne répond pas. Et un jeune mis en confiance, quelquefois, il va livrer des éléments comme ça sur sa vie au conseiller de trouver les meilleures solutions, parce que du moment où le jeune va en parler, on va pouvoir avancer. C'est-à-dire qu'il veut bien le livrer au conseiller, qui finalement demande de quelque chose. Nous, on essaie de traiter dans la mesure de nos compétences et on va encore une fois céder des ressources du territoire. Là, en ce moment, on a beaucoup de jeunes sans logement. Alors, ça arrive, on en a plein. Quand je dis plein, c'est on doit être à notre cinquième en 15 jours. Incroyable. Qui vient à la mission locale, qui n'a pas de logement, qui dort dehors. Donc il faut qu'on trouve des solutions. Donc là, oui, c'est des situations d'urgence. C'est des là. Situations d'urgence extrêmes, sachant que le 115 n'ont plus de place aujourd'hui. Il y a déjà une pénurie de place. Donc on se retrouve dans des situations un peu épineuses où effectivement, il va falloir faire appel aux CCAS de la ville, aux assistantes sociales, trouver des situations, des solutions dans l'urgence. Voilà, on va pas laisser un jeune comme ça. Mais après, des fois, on a les limites. On peut pas. Vous pouvez pas aller. On peut pas faire plus quelquefois. Ouais. Voilà, des fois, on est vraiment limité dans nos. Des fois, ça doit être dur de voir des jeunes en situation c'est comme dur, ça. C'est dur et c'est frustrant de pas trouver l'aider. La réponse en fait. Mm-hmm. Quand le jeune pousse la porte de la mission locale, il se dit là, je vais trouver quelqu'un qui va m'aider. Mais on va pouvoir l'aider. Et à un moment, on est bloqué parce que personne répond à la demande. Voilà, on a beau interpeller tous nos partenaires, personne n'a de réponse. Et nous, on est extrêmement limités. Non, c'est triste. Très frustrant. Ah, franchement, c'est triste. Ouais, c'est très frustrant. Ouais, je pensais pas que vous relayiez par exemple des situations aussi précaires, quoi. Ah si. Parce qu'on est bien. Ce qui est bien, ça veut dire qu'on est bien identifié aussi comme étant une ressource pour les jeunes qui arrivent sur le territoire. On est bien identifié. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très positif. Mais après, effectivement, on est dépositaire de situations qui sont vraiment difficiles socialement à gérer. C'est compliqué. C'est compliqué. Et on manque de réponses. Alors, effectivement, on va travailler. C'est un travail de longue haleine. Hein. Il faut travailler avec les élus, il faut travailler avec tous les partenaires pour trouver des réponses adaptées. Et ce qui est vrai aujourd'hui sera peut-être pas vrai dans 6 mois. Oui, c'est ça. On va pouvoir peut-être trouver des réponses à un moment donné, on va mettre en place quelque chose d'assez conséquent, et dans 6 mois, on n'aura plus jamais ce type de demande. D'accord. Ouais. Encore que hein, les jeunes sans logement, c'est très très fréquent. Chris. Par exemple, pour les jeunes sans logement, avec Vaugelis, le toit vosgien, etc., toutes ces structures sociales... On va travailler plutôt avec des centres d'hébergement d'urgence, qu'on appelle d'urgence. Hein. Il y a le Bayard, il y a l'abri à Pouxeux. On va travailler aussi avec le foyer de jeunes travailleurs à l'ACFA, qui se trouve à Saint-Étienne-lès-Mermont. On a des relais, on a des interlocuteurs. Mais quelquefois, ils n'ont plus de réponse non plus possible là... On a un jeune depuis lundi, on cherche une solution. Donc la première nuit, c'est notre avec voisine qui lui a payé une nuit d'hôtel. Hier, c'est les assistantes sociales n'ont réussi à trouver une nuit d'hôtel. Et ce soir, on recherche. Et je pense qu'on va encore être obligé de lui payer une nuit d'hôtel. Parce que sinon, il dort dehors. Et, ouais, et puis là, le temps qui arrive, le froid... Il fait un petit peu froid, oui. C'est, Voilà, en été, il suffit d'une toile de tente, on peut les mettre dans un camping, c'est jouable. Là, aujourd'hui, il commence à faire un peu froid. Ça n'arrive pas que dans les grandes villes et les grandes agglomérations, comme on le voit souvent dans les grands reportages. C'est dans nos petites villes aussi et dans nos campagnes. Et parfois, par exemple, pour ce jeune en situation très urgente... Par derrière, est-ce que vous pouvez essayer de contacter la famille ou... Non, vous n'avez pas le droit. Après, on a le droit, mais le jeune nous dit, moi, voilà, mon père m'a mis dehors, je suis venue chez un copain à Remiremont qui m'a mis dehors aussi. Voilà, après, quand les jeunes sont majeurs, ils sont majeurs. Voilà. Pour les mineurs, par contre, notre démarche peut être différente et doit être différente. Un jeune mineur qui vient, qui dit, je suis à la rue, nous, on est obligé d'interpeller la police. Donc, pour vous ne pouvez pas le laisser Non. Là, vous saviez qu'il est dehors et qu'il n'a pas de situation, situation mineur, fixe. Un mineur, on a une obligation de protection des mineurs. Hein, donc, même si on n'est pas assermenté, on n'est pas des policiers, on n'est pas des travailleurs sociaux traditionnels. En attendant, un mineur, on ne peut pas le laisser repartir s'il n'a pas un logement, si on ne sait pas où il va. Et par rapport à tout ça, je veux dire, après, pour une personne qui se retrouve dans une situation comme ça, je pense que ça doit être très compliqué de se lancer dans la vie active sans pied à terre, quoi. Voilà, donc c'est là qu'on va intervenir, on va stabiliser cette partie-là pour après travailler sur la partie insertion. Une fois qu'on a stabilisé le logement, tout le reste va plutôt en découler assez facilement. Enfin, c'est un peu long, ça va être long, hein, parce que il y a aussi, quand on a été un peu dehors, c'est un peu compliqué de reprendre, de retrouver un rythme et de s'obliger avec la crainte que ça a généré aussi, parce que c'est quand même assez traumatisant, je pense. C'est des situations qui ne sont pas toujours faciles à vivre, donc il y a tout cet accompagnement-là qui va être fait. Puis après, voilà, il faut trouver une solution et un revenu pour pouvoir s'en sortir aussi. Et moi, on me dit souvent, va à la mission locale, tu pourras avoir la garantie jeune. Alors, c'est pas faux. Donc voilà, moi j'en entends parler souvent. Donc tout le monde trouve ça génial parce qu'en attendant, on peut rechercher de l'emploi. On peut vous payer, apparemment, vous payez les frais de train ou d'essence ou quoi pour envoyer vos jeunes trouver du travail. Et comment dire ? J'ai perdu mes mots. Donc la garantie jeune, en fait, c'est un dispositif national qui a été expérimenté dès fin 2013. Nous, on faisait partie de la première vague d'expérimentation et aujourd'hui, c'est généralisé. Donc c'est une mesure, c'est un dispositif qui permet à des jeunes qui n'ont rien, qui sont ni en emploi ni en formation et qui rencontrent des difficultés sociales plus, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de moyens, ils n'ont rien pour vivre, leurs parents ne peuvent pas les aider parce qu'ils sont en situation précaire aussi. Aussi des jeunes qui ont envie de travailler et de s'en sortir, parce qu'il y a aussi la motivation, c'est pas un droit de tirage. Hein. Nous, un jeune qui est dans cette situation-là, qui dit « moi je veux m'en sortir, j'ai pas de moyens, là j'ai rien, j'ai aucun revenu », on va pouvoir l'entrer dans ce dispositif qui dure 12 mois. Il y a une commission qui étudie chaque demande parce que c'est important aussi de regarder si la personne peut s'engager sur 12 mois et de mesurer l'importance, la chance d'être aussi en garantie jeune. Je pense que par derrière, il y a peut-être quelques personnes qui en profitent aussi, peut-être. Comme dans tous les systèmes existants. Après, on a plutôt des bonnes réussites. On sait que c'est... ce qui est bien, c'est que c'est du collectif. Alors, on parlait tout à l'heure d'accompagnement individuel pour des jeunes suivis en mission locale. La garantie jeune, c'est plutôt, on part déjà de 2 semaines en collectif. Donc, ce sont des groupes d'une dizaine de jeunes qui commencent à peu près tous les mois. C'est un procédé d'échange. La personne touche sa garantie jeune. S'engager dans des démarches, multiplier les expériences en entreprise, parce que c'est ça le but, hein, c'est vraiment de... Peut-être de par la suite trouver totalement un job, en fait. Voilà. Ah, c'est ça, c'est l'objectif. C'est vraiment celui-là. Des stages que vous proposez, comme des stages d'école. Voilà, il y aura des stages en entreprise, il y a tout un accompagnement, on les positionne sur toutes les offres qui passent. Il y a déjà 15 jours où ils vont découvrir qu'ils ne sont pas tout seuls, donc ils vont faire partie d'un groupe. Donc ça, c'est bien aussi de se retrouver avec d'autres jeunes en collectif. Ça fait comme une classe, en fait. Mm-hmm. Ils sont une dizaine, 10 à 12 jeunes. Ils ont un conseiller référent et ils vont déjà faire ils vont avoir pendant 15 jours des ateliers assez intensifs, la recherche d'emploi, le territoire, mes démarches, etc. Et puis au bout des 15 jours, on passe dans de l'accompagnement individualisé très très renforcé, où là, ils doivent faire des démarches, ils ont des choses à faire toutes les semaines, et ils doivent rendre des comptes aussi. Donc, mais il faut surtout aller très vite sur la relation d'entreprise, du stage en entreprise et du contrat de travail. Mais ils sont très, très accompagnés dans la démarche. Et en contrepartie des démarches réalisées, effectivement, ils peuvent percevoir l'équivalent d'un bénéficiaire du RSA, c'est un peu moins de 500 euros par mois. D'accord. Et nous, on est garant du système. Donc l'argent, ce n'est pas nous qui leur donnons, hein, c'est versé, c'est l'État hein, qui verse cette, cette allocation mensuelle. Et ils l'ont du moment où les réalisations ont bien été faites, où ce pourquoi ils s'étaient engagés avec leur conseiller a bien été réalisé. Apparemment, on peut cumuler, je dis bien apparemment, on peut cumuler par exemple un mi-temps avec la garantie jeune. Oui, pendant, pendant quelques mois. C'est pour éviter qu'on se retrouve à toucher sur un mi-temps un peu moins que ce qu'on avait dans l'allocation garantie jeune. Ça permet de stabiliser des situations. Et on a vu que grâce au cumul de, et du petit salaire et de l'allocation, on a pu stabiliser des situations. On parlait de mobilité, peut-être finaliser un permis, payer l'assurance de sa voiture... Et vraiment tout bien ça, démarrer. Tout ça, on se rend pas compte, mais c'est énormément de frais. Une assurance jeune permis, c'est cher. C'est très, très cher. Est cher. Tout est cher. Un véhicule est cher. Et oui, je pense que des fois, oui, ça doit être compliqué de gérer ça seul. Parce que, voilà, bon, oui. Certains ont la chance d'avoir leurs parents derrière eux, comme moi, par exemple. Mais d'autres, je sais que ça y est, tu as 18 ans, et tu dois te débrouiller et... Et moi, à l'heure actuelle, j'ai 18 ans et je pense que j'aurai pas ma mère derrière moi. Je sais pas si j'y arriverai toute seule, que ça soit les papiers pour mon appartement, tout ça. C'est compliqué et je me dis que moi, j'ai de la chance d'avoir ma maman tous les soirs qui m'explique « Tiens, Cassandra, on fait comme ça, on fait ceci, t'envoies ça à ça, tu passes un coup de téléphone. » Elle m'apprend à envoyer des courriers, tout ça et je me dis que vous, en fait, vous prenez un peu ce rôle les jeunes. C'est vrai. C'est exactement ça. On répond. Je ne dis pas qu'on répond aux défaillances des parents parce que ça serait trop fort comme et puis ça terme. Serait nous donner beaucoup trop d'importance finalement. On est vraiment comme une béquille à un moment donné, effectivement, puis on informe. Après, il faut savoir aussi que dans des familles, même les parents des fois ne sont pas du tout à l'aise avec ce type de démarche. Et puis c'est très compliqué aujourd'hui. Il y a beaucoup de numérique dans les démarches qu'on doit réaliser et il y a des gens qui sont très très éloignés de l'outil numérique et qui ne savent pas, on dit pour avoir une attestation de sécurité sociale, il suffit d'aller sur le compte Amélie. C'est mais super rien compliqué. Que de le dire, il suffit d'eux, c'est pas il suffit d'eux, c'est extrêmement compliqué. Et nous, l'équipe, elle est très à l'aise avec ça. Même demander sa carte d'identité aujourd'hui, refaire sa carte d'identité. Je l'ai fait et c'est très compliqué. Demande de permis, très très compliqué. Voilà, et tout ça, plein nous, on de maîtrise. Démarches. Et les gens qui n'ont pas suivi l'évolution du numérique et de tout ce que ça engendre derrière peuvent être complètement perdus face à toutes ces démarches qui, avant, il suffisait d'aller à la mairie pour tel papier. Aujourd'hui, tout se fait. Même la mairie, en général, ne peut plus... La mairie, elle dit, moi, je ne peux pas le faire. Donc, nous, on est là pour aider pour tout ça et conseiller parce qu'on sait qu'il faut le faire. Et on sait surtout comment le faire et on a toute la pédagogie. Voilà, ce que fait votre maman, voilà, effectivement, les conseillers concernés à la mission locale, voilà, c'est ce qu'ils vont faire aussi. Ils vont expliquer, montrer, faire, parce qu'on ne fait pas à la place d'eux, c'est important. Les conseillers ne font pas à la place d'eux. Vous êtes une aide, voilà. Êtes une épaule sur laquelle on peut se reposer, quoi. Voilà. Et on fait avec. Et puis après, on fait pour que la personne fasse tout seul, surtout. Nous, l'idée, c'est de rendre tous les jeunes autonomes dans leur démarche. Qu'à un moment, ils apprennent, qu'on ait pu leur permettre d'apprendre à un moment donné à faire seul plusieurs démarches et qu'ils soient des citoyens. C'est le citoyen de demain. Nous sommes l'avenir. Voilà, vous êtes la prochaine. Vous serez une maman un jour. Et il faut savoir faire. Il faut pouvoir se débrouiller tout seul et pas toujours compter sur les autres. D'accord. Donc du coup, oui, il y a vraiment un procédé pour y avoir le droit, quoi. C'est pas tu fais 2 semaines de stage et puis ça y est, t'es tranquille pendant 1 an, on te lâche la grappe, quoi. Non, la garantie jeune, c'est vraiment un engagement et c'est vraiment une... Voilà. Il y a tout un processus. Qui est signé. Oui, il y a un contrat qui est signé, un contrat d'engagement qui est répété toute la semaine de collectif, c'est répété, enfin c'est souvent répété. Il y a des obligations, c'est donnant-donnant. On perçoit quelque chose. Je pense que c'est normal. On perçoit quelque chose, en contrepartie. Après, à la base des bases, oui, vous êtes, enfin, je dis bien à la base, hein, vous êtes là pour aider le jeune professionnellement et l'aider à se lancer dans la vie active. Voilà. Et pas au contraire, juste financer de l'argent tous les mois. Voilà, on n'est pas. Alors pour le moins, on n'est pas les parents qui donnent de l'argent de poche, comme ça, voilà, l'argent c'est pas de poche, l'argent pas de poche, du tout. Voilà. Ah non, parce que bon, on écoutait certains, c'est de l'argent de poche, quoi. Eh bien, c'est ceux qui, peut-être, passeront en commission, parce que tous les mois, il y a une commission départementale qui permet boulot, de ouais. suspendre l'allocation. Et à un moment, si la personne ne tient pas du tout ses engagements, nous pouvons l'exclure du dispositif totalement. Donc, ce n'est pas non plus, voilà, ce n'est pas un dû. Il y a ça des a obligations. Voilà, c'est du donnant-donnant. D'accord. Et on n'oblige personne à venir. C'est-à-dire que... Oui, la personne qui vient, c'est celle qui a en besoin. Voilà, c'est parce que à un moment, le jeune, il se dit « Ah oui, ça va répondre à... Voilà, j'en ai besoin, je vais me donner à fond. » Nous, on n'est pas une institution, je sais pas, comme l'école, où l'école, il faut être là absolument, même si on n'a pas envie, on est obligé quand même d'y aller jusqu'à 16 ans. Alors nous, c'est du volontariat. La personne, elle vient parce qu'elle a envie. On ne l'a pas obligée. Et si à un moment la garantie jeune ne correspond pas parce qu'il y a trop d'obligations, eh ben, vaut mieux démissionner et puis revenir peut-être plus tard à un autre moment où ça sera le plus adéquat. Après, je pense que les personnes savent que c'est du donnant-donnant et comme je dis, à la base des bases, c'est pour rechercher voilà, oui. de l'emploi, quoi. Mais on aura, comme vous disiez tout à l'heure, on aura toujours le jeune qui... traîne un peu des pieds. Ben oui. C'est normal, oui, c'est sûr. Après, je pense que oui, pour une entrée en vie active, je pense que ce que vous faites, c'est vraiment pas mal. Je crois aussi que c'est... Je crois pense complètement vraiment à notre mission est plutôt intéressante. J'en ai vu pas mal avec qui j'étais au collège, par exemple. Mmh. Donc, nos chemins se sont coupés, lycée, machin. Et à l'heure actuelle, ils sont passés par la mission locale. Et là, ils ont du boulot. Et ils font un peu d'intérim, ils font un petit peu de ça, ils font un petit peu de ci, et leur vie se passe super bien. Alors que voilà, ils n'ont pas continué l'école, ils ont tout arrêté puisqu'ils en avaient marre. Et ils le disent, grâce à la mission locale, j'ai trouvé quelque chose. Puis souvent, ça plaît. Nous, voilà, l'objectif, c'est un moment de permettre aux jeunes de rebondir et de se relancer. Et effectivement... Tout s'arrête pas, on n'a pas de diplôme, ou on est sorti de l'école trop tôt, ou même on a un diplôme, on ne trouve rien, ça s'arrête pas là. Nous, on a des trucs et des astuces, on a un réseau aussi, on est très très bien implanté sur notre secteur. On a un réseau, on connaît des gens, franchement, il y a plusieurs possibilités. Il y a vraiment matière à aider les jeunes. Ce que j'ai pas évoqué non plus, on parlait des CV, etc. Il y a aussi la préparation aux entretiens d'embauche, qui est un des points qu'on travaille pas mal à la mission locale, avec un réseau de parrains. Nous avons des bénévoles qui interviennent au sein de la mission locale, des anciens chefs d'entreprise, des anciens responsables de ressources humaines qui viennent et qui donnent des conseils pour passer des entretiens. Ils font même des simulations d'entretiens. Donc ils vont donner... C'est des personnes extérieures qui amènent beaucoup à la mission locale et qui utilisent aussi leur réseau. Et ils sont vraiment... en complémentarité de ce qu'on peut apporter. C'est bien parce que, comme je dis, vous ne les laissez pas, enfin, je veux dire, vous n'allez pas les envoyer, il y a un entretien, je t'ai décroché un entretien, t'y vas, quoi. Non, là, du coup, vous faites même des jeux de rôle, on va dire, et vous préparez les jeunes, parce que c'est vrai qu'un premier entretien, c'est pas si facile que ça. C'est très difficile. Non, c'est très stressant. C'est très stressant, oui. Ouais, parce qu'on se sent regardé, on a peur que le moindre fait et geste qu'on fasse soit mal vu, soit... C'est vrai que le premier entretien, en général, c'est première poignée de main, etc. aussi, je pense que ça compte. Tout est important. Tout est travaillé, du moins pour les jeunes qui accepteraient, c'est travailler avec les parents, mais c'est travailler aussi avec l'équipe quand on est et sur le mercredi matin. Et vous avez des statistiques, par exemple, en 2018, vous m'aviez dit 1500, enfin cette année... Chaque année, on a environ 1500 jeunes qu'on a vus en entretien et qu'on a accompagnés. Et en fin d'année, vous faites un petit récap récapitulatif de on ceux qui faire, sont partis, oui. ceux qui ont trouvé, ceux qui ont... Sur 1500 jeunes par an, donc on a... Il y a des, comme des vases communicants. On a, sur 1500 jeunes, on va compter à peu près 500 nouveaux jeunes tous les ans. Il y a 500 nouveaux jeunes qui arrivent à la mission locale, qui viennent s'inscrire, sortent de l'école, ils arrivent de... Voilà. Donc 500 jeunes tous les ans nouveaux qui s'inscrivent. Et on en a à peu près 700 qui ont trouvé dans l'année une situation. Des fois, elle n'est pas durable, hein, par contre. Mais au moins 700 jeunes ont trouvé un contrat de travail, un contrat d'apprentissage. Alors, contrat de travail, ça peut être un CDI, un CDD. Un contrat aidé aussi, oui, on en a quelques-uns. De moins en moins, quand même, on en a. Ça devient compliqué de trouver des contrats aidés, de toute façon. C'est une volonté de l'État de réduire ce type de contrat. Oui. Il en reste quelques-uns avec c'est des dommage, conditions. Parce que pour moi, c'est comme le service civique, c'est un avant-goût de la vie active, en fait. Ce sont des vrais tremplins et qui permettent, un contrat aidé, ça permet d'apprendre un métier et de se former en même temps, puisque c'est la condition du contrat aidé aujourd'hui. Il y a les heures travaillées plus... une formation qui fait monter les compétences des jeunes ou des moins jeunes, parce que ça c'est ouvert à plusieurs types de personnes. Et là, je voulais vous demander, par exemple, un jeune qui touche cette fameuse garantie jeune, vous allez lui trouver un petit boulot, je ne sais pas, par exemple, il habite à Armiremont, et qu'il faut que tous les jours, il se déplace, je ne sais pas, Éloi ou Vecou ou Dommartin, est-ce que vous, à ce moment-là, vous pouvez aussi aider financièrement ou avec des bons ou je ne sais pas comme, par quel moyen vous... Alors, ce qu'on va regarder, déjà, on va travailler le budget parce que c'est important. Alors, ça fait aussi partie des points qu'on travaille avec les jeunes. On va travailler le budget et puis on va regarder déjà sur l'allocation garantie jeune ce que le jeune peut mettre dans ses déplacements. On va aller avec lui, c'est facile, Remiremont, Éloi, c'est assez facile, parce qu'il y a un train qui passe régulièrement, donc c'est très facile. Mais quand il y a certains endroits, il n'y a pas tout le temps de bus, il n'y a pas tout, il n'y a pas de ligne de train. On a un site Facebook, on a une page exprès pour le covoiturage, pour promouvoir covoiturage. Donc quand on va sur notre site, sur le site Facebook, on a une page dédiée à du covoiturage participatif. Hein, donc les gens, nous en fait, on a pensé à une sorte de plateforme où les gens se débrouillent entre eux. C'est-à-dire, un tel dit, mais je fais un déplacement de là à là tous les jours, est-ce que quelqu'un peut m'emmener ou est-ce que je peux emmener quelqu'un? Donc c'est quelque chose de très participatif. Et ça fonctionne? On voit qu'il y a beaucoup de contacts. On n'arrive pas à mesurer, parce que ce n'est pas nous qui sommes maîtres du jeu, on n'arrive pas à mesurer si les choses vont jusqu'au bout ou pas. Mais je sais que ça fonctionne, ça a l'air de marcher. Donc par exemple, vous pourriez... par exemple, la garantie jeune, c'est à peu près, comme vous aviez dit, le RSA, à peu près. Donc par exemple, un jeune qui a un logement, qui doit se payer sa nourriture... etc. Donc je pense que le budget est très serré. Est-ce que vous, là, vous pouvez proposer de payer un abonnement de bus, de train? On va travailler effectivement avec tous les outils, sur les outils. On a une aide conseil régional et SNCF possible. On va voir avec les aides du conseil départemental aussi, dans le cadre du fonds d'aide aux jeunes. Voilà, on va trouver des solutions, on va essayer de trouver une solution qui soit acceptable. On demande aussi aux jeunes de prendre tous les abonnements possibles et imaginables. Les abonnements, de toute façon, quand on doit prendre le train, il faut prendre un abonnement qui s'appelle Primo, je crois, pour les jeunes, qui permet quand même d'avoir des prix extrêmement intéressants. Ça reste quand même élevé, Ça reste élevé, c'est vrai. Je trouve qu'en quelques années, la SNCF a pas mal augmenté ses prix. Hein, C'est vrai. Ça a été lissé, c'est quand la grande région est devenue grande région, ils ont dû lisser les moyens, je crois. Je crois que c'est surtout ça. Et on va, on va essayer de trouver une solution. Après, aux jeunes aussi de travailler sur son budget. On va l'aider aussi à travailler son budget et on essaiera toujours de trouver des aides en plus pour débloquer ces situations-là. Mais en attendant, on peut pas vivre que d'aide tout le temps. Il faut un moment, effectivement, que la personne apprenne à gérer petit budget. Voilà. Et nous, notre travail, c'est ça, c'est de l'amener au fur et à mesure de l'accompagnement garder peut-être 30 euros dans le mois pour ses déplacements, et puis à voir comment on peut faire pour... Puis je pense qu'en général, quand vous placez des jeunes en logement, vous ne trouvez pas un loyer en pleine ville à 400 euros. Voilà, quoi. C'est ça. Et puis on va aussi l'aider à monter toutes les aides financières qu'il y a autour. Les APL. Les APL, il y a quelque chose qui s'appelle Visal qui permet de... Voilà, je ne connais pas. Il y a beaucoup de dispositifs qui permettent de... On en connaît plein, mais comme là je le vois, il y en a que je ne connais pas, quoi. Je ne pourrais pas aller dans le détail de cette aide-là, mais elle existe. Il suffit de venir à la mission locale et on va pouvoir aider aussi là-dessus. On a une plateforme logement depuis un an maintenant et on a un personnel qui est dédié aussi à l'accès au logement des jeunes. Et j'ai vu aussi qu'il fallait avoir un appartement ou vivre en dehors de chez ses parents pour avoir le droit à la garantie jeune. Oui, et on doit, enfin pas nécessairement, il faut que ses parents aient un très faible revenu. On va regarder si les personnes sont imposables ou pas. C'est un critère qui nous est imposé par l'État, donc oui, on peut pas déroger. Oui, parce qu'il y a des parents qui malheureusement ne peuvent pas subvenir complètement aux besoins de l'enfant. Que ça soit scolairement, parce qu'aller à l'école, ça coûte de l'argent. Que ça soit transport ou une école privée ou quoi. Donc, oui, c'est... On a des jeunes qui sont déjà rentrés en garantie jeune, en ayant bel et bien des parents qui sont là, mais le papa retraité, la maman... avec un temps partiel, aide à domicile, par exemple, parce que ça, on ne gagne pas trop sa vie. Non, avec deux ou trois ou des frères et sœurs qui sont scolarisés encore. Et effectivement... un jeune qui a peu d'expérience, qui ne trouve pas de travail à un moment, la garantie jeune va pouvoir être ouverte à ce jeune-là parce que ses parents ne peuvent absolument pas l'aider. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas la volonté, c'est qu'ils ne peuvent pas. Ils n'ont pas les moyens d'aider. Donc, ce n'est pas fermé. Voilà, il ne faut pas être que comme ça ou que comme ça. Il ne faut pas être ou soit en logement autonome ou mis dehors de... Parce qu'après, j'ai trouvé des informations que j'ai entendues, que j'ai vues sur Internet. Parce qu'il y a de tout. Hein. Sur Internet, il y a de tout. Hein. Donc voilà. Et du coup, là, par exemple, un jeune, là... il veut venir s'inscrire, il prend rendez-vous, il arrive comme ça. Alors on a mis en place ce qu'on appelle des accueils immédiats. Donc un jeune qui dit tiens, je suis sur Remiremont, je suis motivé, allez, je vais à la mission locale. Il pousse la porte, il va être reçu par un conseiller en entretien. On va déjà écouter la première demande et il sera reçu. C'est clair, sera reçu dans la mission locale par un personnel dédié. Sinon, la personne peut prendre rendez-vous et rencontrer son conseiller qui lui sera vraiment lié à son secteur géographique. Parce que quand c'est sur le flux, c'est pas nécessairement le conseiller qui va le suivre tout le temps, mais ça peut arriver quand même. Donc il y a la possibilité. Si on vient en visite, on dit, mais alors il faut compter quand même trois quarts d'heure, faut pas se dire je passe cinq minutes. Hein. Donc on vient pour trois quarts d'heure. Sinon, il y a un entretien qui est prévu. Et puis de toute façon, je pense quand on vient chez vous et qu'on pousse vos portes, c'est pour une demande assez précise. Mais même si il suffit même que je ne dise je ne sais pas ce que je veux faire de ma vie, et ça nous suffit. C'est déjà une demande, finalement. C'est ce que je voulais vous demander d'ailleurs comme question. Un jeune qui arrive complètement déboussolé, dégoûté de l'école, qui a plus envie, qui a eu des mauvaises expériences, qui a essayé, etc., qui arrive limite... Mais pour le moins, il a déjà envie de quelque chose, c'est de venir quand même à la mission locale. Donc nous, on va débrouiller tout ça, rassurer, je remotiver... Je pense que vous devez aussi beaucoup rassurer. Et positif. Oui, parce que une partie de la jeunesse est extrêmement angoissée aujourd'hui. Ouais, moi, je suis énormément angoissée parce que je ne sais pas pourquoi, mais tout ce qui est emploi, etc., moi, ça m'angoisse. Je me dis qu'à l'heure actuelle, j'ai un bac et je ne sais pas si je vais réussir à trouver un bon job, quoi. Je sais que maintenant, il faut un bac plus 2, plus 3, voire encore plus, quoi. Il y a des beaux parcours avec un bac, il y a des beaux parcours avec un CAP, il y a des beaux parcours avec aucun diplôme. C'est vraiment la rencontre qui va être faite déjà, le jeune, le conseiller, et puis après le jeune, on va lui permettre de rencontrer des gens. Et moi je crois beaucoup un peu à ces rencontres positives où il va se passer quelque chose et c'était le bon moment, le bon jour, la bonne rencontre. Voilà. Je ne sais pas si c'est une question de destin, mais c'est le bon. Tout est, tout, Tout est fait pour, tout s'est bien enclenché, tout s'est bien emboîté. Je pense que ça doit arriver souvent. C'est le bon moment. Oui, ça arrive très souvent. On a des très belles réussites, sincèrement. Et je reviens là-dessus, le niveau scolaire n'a rien à voir. C'est vraiment l'envie. Et même les employeurs aujourd'hui... Quelqu'un de motivé, il y a des personnes, je pense qu'ils ont un bac avec BTS, DUT, licence, etc. S'ils n'ont pas envie d'y aller, s'ils ne sont pas motivés, et il y en a, bah, ils n'ont pas de diplôme, puis ils vont se dire « aïe, aïe, aïe, déjà dans le monde où on vit, c'est compliqué ». Et ensuite... Mais c'est une fausse représentation, parce qu'aujourd'hui, nous, les employeurs nous disent, et on l'entend tout le temps maintenant, « Non, mais nous, même diplôme, pas diplôme, nous, on veut un jeune... » Quelqu'un motivé, souriant, qui a envie. Et puis qui a les savoir vivre un petit ponctuel. Peu, qui dit bonjour, merci, au revoir, et qui est ponctuel, et qui a envie d'apprendre. Et après, disent-nous, on se débrouille du reste, on va leur apprendre le métier. Mais qui a simplement envie de gagner sa vie, de travailler, voilà, qui a juste envie. Maintenant, on en est quand même là. Il y a une époque où le travail était rare, on n'avait pas beaucoup d'offres. On a eu une époque comme ça où c'était un peu la crise quand même. Et là, effectivement, les exigences des employeurs étaient très élevées. Ils voulaient des diplômes, de l'expérience. Aujourd'hui, c'est terminé tout ça. Pour celui qui veut, qui a envie... De toute façon, la motivation, c'est du moment où je pousse la porte de la mission locale, c'est que j'ai envie de quelque chose. C'est peut-être encore diffus, c'est pas clair, mais ça veut dire qu'on a envie de quelque chose. Donc, et vous êtes en lien aussi avec les jeunes prêts à bosser. C'est un outil, alors nous on les utilise, c'est un partenaire, c'est un outil qu'on utilise. Je vois que parfois vous aussi. Partagez les mêmes offres sur Facebook ou... On travaille, ce sont nos partenaires au même titre que tous ceux qui... C'est un outil qui peut permettre à certains jeunes d'avancer autrement, voilà, à un moment on se dit, oui tiens, jeune là, c'est plutôt jeune prêt à bosser qui correspondrait, voilà, c'est une réponse d'un partenaire. Vu après le suivi personnalisé et individualisé, vous connaissez chaque personne, voilà, et vous avez sûrement un récapitulatif de chaque personne avec, je sais pas, avec ses préférences, ses qualités, ses défauts. Voilà, les conseillers connaissent plutôt bien les jeunes qui suivent. Et voilà, puis je pense qu'il y a un climat de peut-être d'amitié, de confiance qui s'installe. Voilà, de confiance, oui. Vraiment, il y a une vraie confiance. Ils se rendent compte aussi que le conseiller, il va pas, voilà, la parole qui est laissée dans le bureau avec le conseiller, ils savent que c'est confidentiel. Ils vont pas être jugés. Ils sont pas jugés, donc ça c'est très important. On juge pas, nous voilà, chacun son parcours. Parce que je pense que pour un jeune de se délivrer comme ça d'un coup, je pense que c'est assez compliqué. C'est pas d'un coup et c'est pas compliqué. Sincèrement, c'est très curieux. C'est quelque chose qui nous interroge souvent, c'est la capacité des jeunes à se livrer. On a même des jeunes qui nous ont dit « c'est bien parce que c'est la première fois qu'un adulte m'écoute oh. ». Oui, on nous l'a dit déjà. C'est pas qu'un seul qui nous l'a dit, Nadie. C'est la première fois qu'un adulte prend du temps pour écouter ce que j'ai à dire et ne pas me juger, ne pas me mettre dans une case. Donc voilà, nous, on ne juge pas. On prend le jeune, à un moment, il vient. Et dans son parcours, à un moment, il vient, il pousse la porte. C'est une personne comme une autre, quoi. On offre un service, il comprend notre offre de service. Après, on ne fait pas de magie non plus. Le jeune qui vient, mais qui croit qu'on va tout faire pour lui... Oui, il ne faut peut-être pas non plus abuser. Mais on fait avec, et on n'est pas des magiciens. Il y a des fois, ça ne marche pas. Parce que puis il faut que les jeunes entendent aussi que des fois, il faut peut-être passer par un petit stage de formation, il faut peut-être se remettre à niveau dans certaines choses avant d'accéder à tel et tel emploi recherché. Mais voilà, à cœur vaillant, rien n'est possible. D'accord. Je vais vous laisser. Je voulais vous remercier d'être venu et d'avoir répondu à toutes mes questions. Et j'espère que ça pourra servir à certains jeunes, que certains jeunes viendront ouvrir vos portes. Et puis, j'ai été ravie de vous recevoir. Je vous remercie de votre invitation. Et je pense qu'au-delà des jeunes que ça peut toucher aussi des parents et des grands-parents. S'ils voient leurs petits-enfants, leurs enfants qui ne savent pas bien trop quoi faire, il faut les envoyer à la mission locale. On a des présences, on est présent au TIO, à la MSAP, la Maison de Service au Public. On est au TIO, on est à Saulsure et on est au Val d'Ajol aussi. Donc on peut aussi voir les gens, ceux qui ne peuvent pas se déplacer, on peut les voir aussi au plus proche de leur domicile. D'accord. Voilà.